énervé, je vais même en pleurer. Je suis tout énervé et mon lait a débordé. C'est une triste journée et mon lait a débordé. Pour cet album, les Ananis me remercient. L'Oreille Hardy pour ses deux jours de fête. La Belgique Libre, Fred Radix pour avoir fait leur première partie. Tonton Albert, Monsieur X, merci Vacal. Madame l'impératrice de la Good Top. Et Captain Goblet, la Free Belgium. Le jingle du Kickstarter, tu veux ? Non, t'en fais pas. Alpha la Guimbarde. Rage d'être venu par erreur. Mamie Colette et son mixeur, Anthony Cognet et le Cognet Junior Crew. Gravio Catherine, Isa au Philippe. Blandine Herbie, Léry Gautien, Enzo, Lucas, Cocotte. Notre coach vocal. Pour les clubs et les patates. Kiki et la Zik, c'est moi, c'est nous. Non, la Zik, c'est nous. C'est nous. Pascal Bastien, ils sont deux. Nos photographes, Lucille et Émilie. Radio Piraillon d'ici, Mandy et ses moutons. Dave, the cameraman. Émilie qui ronfle. Kenny et les Toulousains. Cabotte, mais pas tardi. Bibi pour le mix de Babouchka en Australie. La famille Barry Go. Cracher ses odeurs. Toto Radio et The Post ACD. La bascule, le troxon, le farmer. La brasserie du Pila, Yuyu Di Yurien pour la salle aux champis, Leslie parce qu'elle est bonne avec un P, Yvon over the top nos brûles. Didi Pucienne, Maggie sous la contrainte, Micus pour la 1664, l'ostéopathe de Fabien, Pascal pour le pain, Kasi pour la danse endiablée, j'ai du mal à dire ça. Rima c'est le permis trop bien, Alec et cette guitare, Seb la minode, Niasso la mascotte. Mathieu Fleufleu et ses bottes de 7 lieux. Toy Oi pour accepter l'album gratos. Fabi One et ses 7 merveilles du monde. Vincent pour sa patience. C'est tu d'abord. C'est possible. Le Moulin Punt, Space Moule, Roger Q, Roger Lambda, Jérôme Ditchat, le pôle Nord ABC de 2 degrés. Alec et les Borana Lobas, Duodenum, Jean-Loy pour cette gloire. Fufu the Night, Gawel. Has-Been Powers, Drop Denise, Fafa et ses clitos en furie, les chrysanthèmes, Jules et Maé, les putes à cowboy. Marina, Noélie et l'arrache, les fabuleuses de Coris Absente, Batiam 4, Marais, Tonton et Marcel par Buck, Sylvain et son garage, la tonnelle de la Madone. Aurèle et Lette pour le mariage, la sécurité à Méode Sociale, Gilbert M de nous avoir jamais vu. Tous en tong et carreau, Arnaud de Pitoumag pour le logo. Odé, les grasses perruches, les singes hurleurs forever, Mama pour avoir réveillé Jean-Loeil sur tout le 27. Bouchafou, Massive, Ibeka, Nanoche, Sorine de Roumain, Le Taureau, Le Foie de Bob Dylan, Tine Éponge. À tous ceux qu'on a zappés et au chat, beau tu. Gardez-moi-le.